Vous voulez que je vous Dis, explique ou pas bah, avant de tu commencer? expliqueras. En fait, du coup, je n'y Ok. connais rien. Parce qu'à la base, moi, la numérologie, je croyais que c'était une Des méthode pour conneries. gagner au loto, tu vois. Ou à l'euro-million. Ouais. Voilà. Ouais, des Mika, conneries c'est pareil, je aussi. suppose. Bah, Ah bah c'est ça. moi, j'avais peu de ref là-dessus, tu vois. J'avais chevalier l'Aspalès. D'accord. Quoi, il faut un truc sur la numérologie? Ouais, vite fait, où il dit que son numérologue lui a dit que son numéro, c'était le 43. Et il a dit, ah bon, il t'a fait, il lit les lignes des mains et tout. Il fait, non, les lignes des pieds. Il m'a dit, ta taille, c'est 43. Bon, ça c'est dit. C'est bon. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est drôle. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious. Alors, c'est l'épisode 13, c'est bon. On les reprend, les épisodes au fur et à mesure de manière régulière. Et aujourd'hui, un épisode spécial, uniquement en ASMR. Non, je déconne. On va faire sur la numérologie. Alors, la numérologie, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, le but du jeu, c'est de demander à une numérologue d'étudier le nom et prénom des super-héros. Donc, j'ai donné une liste de 10, 11 noms de personnages des Marvel. Et notre numérologue nous a étudié ces personnages, Mika. Nous les a étudiés. Et mon petit Mika, nous allons comparer si notre numérologue a raison, si que si on va dire, entre guillemets, le tempérament du personnage correspond à son tempérament véritable dans les BD. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être une bonne idée. Ah bah ça a l'air super intéressant en fait, du coup, mais complètement. Bah oui, écoute. Eh ben, on va la recevoir. C'est une amie en plus. Donc voilà. Bonjour Marie. Bonsoir, garçon. Oh, oh, c'est un bonsoir sensuel. Alors Marie, rien à voir avec les Aristochats, on est d'accord? Hein? On est d'accord? Ah, on est d'accord, on est On d'accord. est Il n'y avait d'accord. pas Donc Marie, tu es numérologue. Voilà. Depuis quand? Combien de temps? J'ai terminé ma formation l'année dernière et j'ai continué à me former chez moi à travers des lectures. Et là, je suis en train de monter mon site internet, etc. Et je pense que je vais démarrer les consultations dès le mois de mai 2023. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu fais des consultations en ligne? Les consultations sont en ligne via Zoom. D'accord. Et du coup, comme ça, les personnes ont l'enregistrement, peuvent le regarder à vie. Et puisque souvent ça se décante au fur et à mesure, puisque je dis beaucoup de choses en fait pendant une consultation. Et D'accord. ça peut voilà, prendre La le temps numérologue est bavarde, de si j'ai bien cheminer. compris. La numérologue est Ouais, et puis bavarde. la numérologue est bavarde, Marie est bavarde, mais en C'est plus la vrai que Marie est numérologie, bavarde. C'est vrai qu'elle est Marie est bavarde. bavarde. Mais la numérologie, c'est assez parlant. Enfin, Alors vous justement, verrez. vu que tu dis que Et c'est parlant, nous, ça ne nous parle ouais. pas. Voilà. Donc, Voilà. peux-tu nous expliquer ce qu'est la numérologie? Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, chaque nombre a une vibration et chaque lettre, du coup, aura la vibration d'un nombre. Donc, par exemple, la lettre A fait 1, la lettre B fait 2, la lettre C fait 3, etc. Jusqu'à 9. Donc, par exemple, A, J, S font 1, B, K, T font 2, etc. Et D'accord. par Et c'est quoi? rapport à Qu'est-ce que tu ça, appelles par vibration? eh ben, ça veut dire que par exemple le 1 c'est le nombre du père, donc un prénom qui commence par un A, ça va être des gens souvent qui vont avoir de l'allant, qui vont être potentiellement des leaders, etc. Le 2 c'est plutôt la mère, c'est des gens plutôt qui vont être plus dans la douceur, dans l'ombre, etc. Et ça paraît surprenant. C'est quelque chose de, je dirais que c'est une science plutôt. On dit science molle, le terme paraît bizarre, c'est un peu de la spiritualité, mais en fait c'est assez pertinent souvent dans les définitions. Et je pense que du coup ça peut être un bon moyen de développement Alors, je personnel et dirais pas surtout que c'est c'est une rapide et c'est science molle. efficace en fait. Voilà, quand Je vous dirais que êtes c'est une dans science douce. C'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est vrai, c'est plus Parce qu'il y a joli les de se sciences faire. dures et Je les pouvais pas sciences me molles. Et mouler je non trouve que plus, ce et n'est pas j'aime bien normal ça, qu'on appelle ça les sciences douces. sciences molles. Les sciences. Eh bien, écoute, merci pour ce récap de ce qu'est la numérologie. Et donc, je t'ai une liste de personnages. Alors, on va commencer par le premier, Mika. Et c'est Kate Bishop. Donc, qui est Mika? C'est qui, Kate Bishop? Bah, X-Men. Non, pas du tout, non. X-Men, Bishop. Mais non, c'est Kate Bishop, c'est dans Hawkeye. Oh, je suis fatigué. Ouais, t'es Oh. fatigué là, ça se voit. Oui. Non, non, c'est d'ailleurs dans la Une série. On... archère, une archère. Voilà, et une escrimeuse et une gymnaste. Voilà. Alors, que peux-tu nous dire, Marie, en la matière sur Kate Bishop? Nous avons perdu Marie. Ah, Ah, Kate Bishop, moi je la connaissais pas, donc j'ai pas été. Non, je suis là. Tu d'accord. m'entends? Oui, c'est bon. C'est bon? Du coup, Kate Bishop, moi je la connaissais pas, donc j'ai été voir exprès. Et du coup, ce que j'ai pu en déduire, c'est que tu vois, Kate, le prénom, il fait 1. Et donc, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur le père, le leader, etc. Donc ça va être a priori quelqu'un d'assez déterminé. Le prénom, néanmoins, il commence par un K. Et le K, ça fait 2. Donc ça veut dire que Kate, elle est déterminée, mais quand même, elle va peut-être pas être. Tout à fait franche ou comment dire, elle peut y aller dans la douceur par exemple, voilà, C'est une femme parce que douce. voilà, bah, a priori. Et en plus, on va prendre en numérologie, si tu veux, les consonnes et les voyelles, on va les distinguer. Les voyelles, on appelle ça l'idéal en fait, c'est ce que tu as au fond du cœur, mais que parfois tu peux oublier par les contraintes du quotidien, voilà, parce qu'il faut être réaliste, mais. Son idéal à Kate, c'est le 6. Et le 6, vous voyez, ça fait comme une forme de femme enceinte. Et bah, c'est Oui. l'harmonie. Et bah, du coup, elle va chercher l'harmonie, elle va chercher la douceur, la beauté. Elle va chercher à rétablir aussi, avoir des relations diplomatiques avec les personnes, si c'est possible. Si elle Alors, vit son. c'est exactement ça à peu près, parce que dans la série Hawkeye, D'accord? alors si tu as Disney Plus, tu peux regarder si tu veux. Si tu as Disney Ok. Plus, tu regardes la Non. série Ouais. Hawkeye, bah, si tu l'as, tu regardes la série. Et en fait, c'est vrai qu'elle est assez maternelle dans la série D'accord. et qu'elle essaye toujours de réconcilier les gens. Voilà. Bon, elle n'a pas forcément Bah. d'âme de leader. Enfin, je sais pas, Mika, toi, mais. Non, je dirais pas que c'est un leader, mais elle est bien déterminée, par contre, sur ce Ouais. qu'elle fait. C'est vrai. Quitte à faire plein de conneries, Elle est déterminée. Le 1, vous voyez, il va être soit leader d'un groupe, soit il peut être très indépendant. C'est-à-dire qu'il va être leader, mais dans ces cas-là, tout seul. C'est-à-dire qu'il a besoin de son autonomie, il a besoin de son indépendance, il Donc va pas c'est trop. un leader tout seul, quoi. Il Voilà. s'auto-lead. Il saute. Mais il va pas, comment dire, apprécier, par exemple, de se faire commander. C'est plutôt dans ce sens-là. D'accord. Ah, d'accord, Voilà. ok. Mais c'est pas Kate, ça, du coup, si j'ai bien compris. Si, ça c'est Kate. C'est Kate, ok. Bon, ok. Tu disais Voilà. qu'elle n'aime pas se faire commander, c'est ça? Ouais, a priori, elle ne devrait pas aimer se faire commander, non, je pense D'accord, pas. ok. Non, il n'y a pas. Enfin, j'ai pas trop. Elle n'aime pas trop suivre les ordres, enfin, elle Non, va elle n'aime pas suivre trop suivre les ordres, c'est vrai. parce Elle que, est désobéie à sa mère souvent dans la série. C'est vrai. Bon, Ah, bah, d'accord. on est globalement dans les clous, je dirais. Pour Moi, Kate je trouve, Bishop. Voilà. Alors, elle a un mentor, Kate Bishop, Marie. Elle a un OK. mentor qui est aussi Hawkeye, c'est-à-dire qu'elle est aussi Hawkeye, qui s'appelle Clint Barton, qui lui est un D'accord. Avengers en fait. Il fait partie des OK. Avengers. Donc c'est le copain de Thor, Iron Man, etc. Donc du coup, OK. question, que peux-tu me dire sur Clint Barton? Eh ben, déjà, il y a ce qu'on appelle un maître nombre. Alors, en numérologie, il y a trois nombres qu'on appelle les maîtres nombres, c'est-à-dire c'est le, ça va de 1 à 9, si tu veux, et après, tu as le 11, le 22 et le 33 qui sont ce qu'on appelle des maîtres nombres. Ça veut dire qu'ils vont vibrer encore plus fort que les autres. Quand je dis vibrer, ça veut dire que leur énergie va être plus importante, plus explosive. Donc là, lui, par exemple, Clint, son prénom, il fait 22. Donc le 22, ça donne quoi? Une grosse énergie, un besoin de construire, et il voit les choses en grand. Là, par exemple, c'est un super-héros, a priori. Ça aurait été quelqu'un qui montait un restaurant. Son restaurant, il ne faisait pas 20 places, il en faisait 250 minimum. C'est D'accord. quelqu'un qui a, ça n'aurait pas été un gars qui achète une maison, ça aurait été quelqu'un qui aurait acheté un château, parce qu'il voit toujours en grand le 22. Et lui, du coup, Clint, son atout, ça va être qu'il voit toujours les choses en grand et que pour lui, il n'y a absolument rien d'insurmontable. Il va toujours trouver des solutions pratiques pour résoudre les problèmes. Par contre, il peut être un peu vif, voire un caractère tellement brusque qu'il peut être froid et même avoir des problèmes émotionnels, des troubles émotionnels, c'est-à-dire qu'il manque un peu de douceur le 22 parfois. Il peut être un peu brusque. Ah bah écoute, ça correspond à son caractère. Voilà. Parce que la seule douceur qu'il éprouve, c'est à l'égard de sa famille, en fait, sa femme et ses enfants. C'est la seule chose qui le calme. Mais c'est vrai que. Non. Alors, voir les choses en grand, j'ai pas cette impression-là réellement, mais c'est possible. En tout cas, le fait qu'il soit vif et froid, ça, oui, ça, on est dedans. Bah, surtout, je pense, sur le côté très émotionnel. Au moment du claquement, le fait qu'il devienne ronin, pour moi, ça correspond bien justement à ce côté émotionnel qui a pris le dessus et qui pète un plomb. Et qui fait les choses en grand. En ce moment-là. C'est vrai, il tue plein de gens. Il tue tous les criminels. Voilà, c'est ça. Il tue tous les criminels. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire qu'au lieu de tuer un ou deux, à la limite les chefs, lui, il va tuer tout le monde. Voilà, c'est un fruit. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Non, il n'y en a pas. Ça correspond au personnage, du coup, à peu près. Même, je dirais, quasi dans l'intégralité. Alors, il y a deux autres personnages qui intéressent beaucoup de monde. Et d'ailleurs, il y en a un qui est adoré. Le premier, c'est Thor Odinson. Voilà. Et là, eux, ils sont intéressants. Pardon, vas-y. Thor Odinson et l'autre, c'est Loki. Donc, justement, je trouvais ça intéressant, Mika, tu vois, de faire la différence entre les deux par rapport au caractère et l'impact de la numérologie. Donc, ouais, là, ça peut être intéressant. Ouais. Et justement, juste pour prévenir, ça serait ça, c'est parce qu'il y a eu un film Thor il y a un an, bientôt un an, qui est sorti. Et puis là, il y a la Loki saison 2 qui sort. Donc, je trouvais ça aussi intéressant d'actualiser un peu cela. Donc, que nous dit Marie la numérologie sur Thor et Loki? Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux ont le même nom de famille. Donc, puisqu'ils sont frères, et donc le distinguo, il va se faire en fait sur la façon dont ils vibrent les nombres et sur leurs prénoms. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé que des prénoms. Donc Thor, par exemple, c'est un prénom qui fait 7, d'accord ? Donc le 7, ça va être un nombre qui réfléchit beaucoup, qui va être dans l'introspection, qui va être dans la spiritualité aussi. En fait, le 7, de prime abord, est plutôt réfractaire à la spiritualité, mais il va être obligé de s'y ouvrir. Contraint et forcé parce que la vie lui amène. En fait, il va se retrouver forcé d'avoir soit des lectures philosophiques, spirituelles, religieuses, etc., etc. Alors, je te fais une parenthèse de deux secondes pour te couper. Ouais. Le dernier Thor au cinéma, effectivement, il est plus spirituel, on va dire, au début du film. Avec une sorte de remise en question, mais bon, ça dure pas longtemps. D'accord. Et là, Thor, tu vois, il va trouver son 7, c'est-à-dire ce nombre spirituel-là, de ses voyelles qui font 6, donc on est encore dans la maman, le son, etc., et de ses consonnes qui font le 1. Donc je vous avais dit que les voyelles, c'est l'idéal. Les consonnes, c'est le caractère, c'est-à-dire c'est votre structure, c'est votre ossature. Le 1, lui, Thor, il a son fond, ce qu'on voit de prime abord quand on le voit, c'est qu'il c'est un leader, c'est un chef, il est là pour soit diriger, soit être indépendant, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il s'auto-leader, quoi. C'est ça. Et du coup, Odinson, ça va faire 9 en nom de famille. Le 9, c'est un refus des limites. Alors, on peut le vivre de différentes façons. Soit ça va être dans l'extrémisme, dans la radicalité, soit ça va être dans l'humanitaire, dans le soin aux autres, dans l'idéalisme, la générosité, dans le dévouement. Donc là, a priori, Thor, qui est plutôt un leader positif, il va vivre ses nombres de cette façon-là, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop dedans là. C'est vrai ? Vous le trouvez pas ? Vous trouvez pas qu'il est bah, idéaliste, après, je dirais que dans les comics, il a une âme de leader. Ça, tu as raison. Non, mais c'est vrai. Non, mais dans les comics, il l'a, l'âme de leader. Ok. Mais dans les Marvel, il l'a pas tant que ça. Enfin. Ouais, dans les Marvel au cinéma, il l'a. Ouais. Moi, je le vois pas. Dans les comics, par contre, tu as raison. Si tu prends le Thor des comics, tu as raison, parce qu'il est un leader, mais dans les films, je ne sais pas, Mika, ce que tu en penses, mais je pense que dans le Marvel, dans le MCU, on n'est pas trop dedans. Bah, quant à son premier groupe, si, c'est un leader de son groupe d'Asgardiens. Oui, tiens, j'ai pas pensé. Oui. Mais oui. Ils sont tous un peu dédiés sur le fond, mais. Oui, tu as raison. Oui, c'est vrai que je n'ai pas vu de cet angle-là. Oui, avec son premier, avec Sylph et tous ses potes, c'est vrai qu'il est le leader. C'était un bon roi avant qu'il fasse sa dépression. C'est ça. Ou qu'il vienne sur Zeus. Bah, je trouve que le fait d'essayer de se retrouver lui-même et de laisser justement le leadership à Valkyrie et de d'essayer de se retrouver lui-même était bon sur le principe. Après, bon, bah, il y a eu cette merde de Thor 4, mais ouais. On va pas parler de Thor 3 aussi. Hein. Bah, le 3 passait quand même vachement mieux que le 4, tu vois. Ouais, ouais. On va dire ça vite fait. Il y avait ses défauts. Là, par contre, là, dans ce que tu dis, je trouve que s'il a fait une dépression, par exemple, et que derrière, il a été un peu dans une quête de se retrouver, etc., je trouve qu'on voit bien la quête du 7, oui. Par exemple. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. C'est, ça. 7, c'est pour ça que j'y ai pensé. J'y ai pensé par rapport au film. Mais c'est vrai qu'il a raison, Mika. J'avais pas pensé parce qu'il avait un premier groupe avant d'arriver chez les Avengers où il était avec ses potes. C'était lui le leader. C'est vrai. Donc, du coup, on peut dire que ça correspond. Je retire ce que j'ai dit. Loki, en fait, il faut que tu saches que je t'ai fait un piège. Loki n'est pas le frère de sang de Thor. C'est son frère adoptif. Mais c'est pas grave. Ah merde. Oh non, ça va pas marcher. C'est son frère adoptif. Ouais, mais en fait, là, ce qui va être pris en considération, c'est leur nom, tu vois. D'accord. Donc là, okay. Par exemple, on se retrouve avec quelqu'un qui a le même nom de famille. Alors pourquoi une telle différence? Mais c'est ça, en fait, son vrai nom de famille, c'est Laufeyson. Laufeyson. Ouais, mais c'est pas Odinson. Il se décrit lui-même à la fin en s'appelant Odinson. Odinson, ouais. Par contre, il se fait appeler. Ouais. Et du coup, tu vois, en numérologie, on va prendre le nom qui est utilisé. Donc, par exemple, si tu t'appelles Mathieu, mais que ça fait 25 ans qu'on t'appelle Matt, et bah, finalement, tu auras peut-être plus de vibrations avec Matt qu'avec Mathieu. Par exemple, Stromae, c'est son vrai prénom, c'est pas ça, mais c'est son nom de scène et il vibre du coup en tant qu'artiste sous le nom de Stromae et pas sous son nom civil. Voilà, en gros. Donc là, pour Loki Odinson, tout le monde le connaît comme ça, donc c'est comme ça qu'il... D'accord, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur Loki alors? Bah, ces nombres peuvent être... donc, ils ressemblent forcément, déjà le nom de famille, c'est le même. Sauf qu'ils peuvent être vécus en négatif. Donc Odinson, les idéaux, les voyelles, ça fait 3. 3, c'est l'enfant. Donc normalement, l'enfant, il est joyeux, il apporte de la gaieté, il apporte du bonheur, etc. C'est celui qui ne pense pas trop au lendemain, c'est celui qui met de l'ambiance aux soirées. Sauf qu'en fait, le 3, quand il est déséquilibré, il est comment? Il est capricieux, il est caractériel, il veut toujours attirer l'attention sur lui. Et, on est en plein dedans. Il, hein. Bah voilà, c'est fou, je trouve. On est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Ouais. Et donc, le caractère de Odinson, c'est-à-dire les consonnes, font 6. Le 6, c'est la maman qui prend soin des autres, je vous l'avais déjà dit. Mais du coup, le 6 qui est déséquilibré, ça va donner quelqu'un qui va être jaloux, qui va être maniaque, qui va être dans le contrôle, qui peut être très soupolé aussi, susceptible et... voilà, donc il ne va pas vibrer donc Odinson de la même façon que Thor, puisque lui, il n'est pas équilibré dans sa tête. Et, Loki n'est pas équilibré dans sa tête? Bah, il est quand même franchement pas du côté... il veut toujours, en fait, il me paraît à chaque fois, quand je l'ai vu dans les films, et j'en ai pas vu beaucoup, toujours un peu insatisfait à vouloir tirer la couverture à lui, etc. Dans ce sens-là, pas équilibré. Et c'est pas, ça ne me paraît pas être quelqu'un d'hyper épanoui, en fait. Mais t'es en plein dedans, là. Je sais pas... Et du coup, c'est exactement ça. Et du coup, le prénom, tu vois, il va faire 6 aussi en consonne, donc en les idéaux. Donc c'est pareil que, il me semble que Thor, ouais, qui fait 6 aussi, mais là on retrouve le 6 caractériel, le 6 soupolé, le 6 maniaque. Et en caractère, en structure, il va faire en consonne, donc il va faire 5. Et donc le 5, c'est le changement. Et c'est le changement, l'adaptabilité. Finalement, c'est le grand coup d'air frais. Sauf que quand le 5, il n'est pas adapté, bah, du coup, ça va être des changements brusques. Ça va être, de l'impulsivité et ce genre de choses, en fait. Et okay. Du coup, tout ça, ça va lui donner ça va vibrer en 11. En fait, et on retrouve un maître nombre, sauf que ce maître nombre-là, normalement, il est un peu inspiré, il est spirituel, etc. Mais là, ça peut donner des gens qui sont des leaders un peu façon gourou et qui veulent à tout prix s'attirer le pouvoir et sans respect pour les autres, en fait. Voilà. Là, c'est... on ne peut pas dire mieux. Hein. Et c'est carrément lui. Dans ce que tu dis, c'est complètement lui. Alors, toi qui ne regardes pas... enfin... tu ne regardes pas comme nous, t'es tombé en plein dedans. Là, t'es sur la bonne vibration, hein, voilà, du personnage. Voilà. T'es bien dedans. Et ben, c'est bien. Bon, on va dire que c'est quasi, un quasi sans faute, là, sur les 5 premiers, mon petit Mika. Ouais, c'est... Et la question que je me pose, c'est, est-ce que, tu vois, c'est comme quoi, là, est-ce quand il donne le prénom et le nom au personnage, au super-héros, est-ce que vraiment, tu vois, tu te dis, ça, c'est réfléchi par rapport au caractère du personnage, tu vois ? Là, quand tu entends parler de ce que tu dis là, on entend parler, Marie, de ce que tu dis, on a l'impression que le nom est fait pour le personnage, en fait. Bah moi, je me suis posé la question parce que ça m'a tellement... Parce que sur Loki, par exemple, ouais. Là, c'est carrément ça. Je me dis, mais est-ce qu'ils se sont dit, bah tiens, on va faire un personnage de ce caractère-là parce qu'en numérologie... Mais sur tous les autres, même enfin, Thor, Loki et Bruce Banner, je les connaissais, voilà, de nom, et Steve Rogers, Tony Stark, les plus connus. D'accord. Et en fait, même sur les autres, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, on retombe soit sur des maîtres nombres, soit sur des vibrations qui sont assez puissantes, et en fait, qui peuvent ressembler à des super-héros. Et moi, j'ai surtout, ce que j'en ai conclu, parce que la question, c'est un peu qui, de l'œuf ou de la poule, en fait. Est-ce qu'ils ont fait appel à un numérologue pour choisir des prénoms, ou est-ce qu'en fait, le fait d'avoir donné un prénom, réellement, chaque lettre a vraiment une vibration, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai appris en numérologie, et ça a tellement une vibration qu'en fait, ça dépasse notre entendement, on n'est pas capable de tout à fait l'expliquer, mais le fait est que quand on décrit ce personnage-là, même avec des connaissances numérologiques, ou même sans, c'est-à-dire qu'on fait un script pour le cinéma, et ben en fait, ce qui se dégage, c'est ça, parce qu'en fait, c'est inconscient, et que vraiment, les lettres vibrent un nombre, en fait, et donc vibrent une énergie. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est, comme je dis, c'est le problème de l'œuf ou de la poule qu'elle est née avant. Voilà. Ouais. Mais moi, je pense qu'en fait, les nombres ont les lettres ont une vibration, les nombres ont une énergie, et que du coup, en fait, ça nous dépasse, et la numérologie est là pour mettre un peu un coup de phare sur ce phénomène-là. Mais en fait, je pense que c'est assez ancien. Enfin, c'est même établi que c'est très ancien, hein. Mais je pense qu'on s'est beaucoup déconnecté que ça, et qu'en fait... c'est bien plus prégnant, tu vois. J'aurais jamais pensé que ça ressemblait à ce point-là, vraiment. L'origine de la numérologie, c'est historiquement... C'est Pythagore. Ah, Pythagore, ah oui, quand même. Bah d'accord. Ouais, les Égyptiens aussi. Ouais, Égyptiens, j'y ai pensé quand tu l'as dit. Ouais. Il y a Moon Knight qui était là-dedans. Bah, Pythagore était un grec, mais j'imagine bien que c'était à l'époque... c'est quoi, c'est 500 ou 600 avant Jésus-Christ, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, alors... Le prochain, justement, c'est Bruce Banner. Ouais. Il s'appelle Hulk. Super-héros. Alors, dis-nous, Bruce Banner. Bah, écoute, hyper intéressant lui aussi, parce que tu vois déjà rien que le prénom Bruce, donc on va trouver 8 en voyelle, donc c'est l'idéal. Donc le 8, tu retrouves le signe de l'infini. Donc l'infini, c'est une énergie qui ne s'arrête jamais, d'accord ? Donc d'accord. Ça peut être un petit peu difficile à équilibrer. Souvent, le 8, il est attiré soit par le matériel, soit par le spirituel. Et il va devoir, si tu veux, équilibrer les deux. C'est un peu une sorte de sablier qui se connecte entre le ciel et la terre. Le ciel étant spirituel et la terre étant le matériel. Et en gros, si tu veux, un 8 déséquilibré au niveau matériel, ça donne Bernard Tapie. Un 8, tu vois, ça te donne une idée. Ouais. Un 8 équilibré, ça donne Roger Federer. Donc, on voit bien là le côté très combatif du 8. Et l'énergie infinie. Le 8, c'est un nombre qui tranche. Mais Bruce, ça commence par un 2. Puis il est plutôt doux, en fait, quand il est quand il est pas en Hulk, tu vois. Et le 2, c'est la douceur, c'est la femme, c'est l'ombre. Mais Bruce, en caractère, c'est-à-dire en consonne, eh bien, il fait 5. Et le 5, c'est quoi ? C'est le changement. Et les 5, par exemple, ils adorent quoi ? Se déguiser. Et ben, lui, c'est pas de sa faute, mais... Si je peux poser juste un truc qui me fait rire, c'est que du coup, c'est aussi le prénom de Batman. Ouais. Bah oui. Et c'est aussi c'est vrai. Personnage. Oui, c'est Bruce Wayne. Et ça correspond à ça en plus, avec Bruce Wayne. Et ça correspond à Batman, le côté secret de Batman avec le B là qui est un peu qui est doux dans l'ombre et tout. Et même Bruce Wayne, ouais, c'est oui, ça correspond aussi. Hein. Ouais. Et Bruce Lee. On peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Alors, l'autre personnage, c'est Jessica Walters. Alors, je ne sais pas si tu connais Marie, mais Jessica Walters, c'est la cousine de Bruce Banner qui est She-Hulk. Voilà. Ah, d'accord. Ok, c'est elle. Ok. Non, d'accord. Je ne connaissais pas. Bah, voilà. Elle est avocate, en plus. Tu vois, donc... Ouais, j'ai entendu ton podcast, mais je ne connaissais pas. Donc, je l'ai fait comme podcasts, ça. Podcast, Marie. Oh, oui. Je l'ai fait sans regarder pour pas me faire influencer justement parce que je trouvais ça mieux. Alors attends. que je trouve mon truc. Tac. En plus, je crois que les copains, ils écoutent mes podcasts. En plus. Du coup, Jessica Walters, on va retrouver une expression 11-2. Donc, l'expression, c'est-à-dire, c'est le total des voyelles et des consonnes du nom et du prénom. Et donc, d'accord. Le 11-2, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un maître nombre. Oui, excusez-moi, tout à l'heure, c'était un maître nombre. Ouais. Et donc, je dis 11-2, pourquoi ? Parce qu'il va vibrer, en fait, tantôt en 1-1, c'est-à-dire en super leader, en personne hyper magnétique, qui est visionnaire, qui peut avoir même des dons de médiumnité. Ça peut être un super leader, hyper pédagogue. Et ça peut vibrer aussi en deux, c'est-à-dire la personne qui va être plutôt dans le besoin de l'autre, besoin du couple, souvent le deux. C'est la femme, donc elle suit le un qui est le père, et donc c'est souvent quelqu'un qui est un petit peu derrière. C'est un peu la super assistante de direction, par exemple, quoi. Donc c'est pas quelqu'un qui est leader, là, pour le coup. Non, donc, elle n'est pas leader, ça c'est clair. Non, bah, ça, là-dessus... Bah, du coup, elle peut passer par des hauts et des bas. D'un point de vue émotionnel, elle peut être assez chamboulée. Donc, je ne sais pas si c'est son cas à elle, mais c'est ça que dit sa vibration 11-2. Et elle peut, en tout cas, elle a un gros besoin de soins parce que tu vois, elle a du 6 quasiment partout et sinon du 2. Je pense qu'elle est, elle est a priori très douce et beaucoup dans le soin, la maman. Et par contre, grosse énergie entre son 11 et elle a du 8 aussi. Grosse énergie et avec un petit côté enfant. Voilà. D'accord. Oui, ça ressemble globalement à ce qu'elle est. Dans l'ensemble. Okay. Dans l'ensemble, ouais, tu es dedans. Oh, écoute, tu d'accord. es dedans partout, on va dire. Hein. J'ai l'impression que quand tu parles de maître nombre, c'est surtout les valeurs. Je sais pas si on peut dire ça, quand c'est 11 ou 22, ça. Ou... J'ai l'impression que chaque fois, c'est un double chiffre qui est pareil, non ? Ouais, c'est ça. Donc, tu as les nombres de 1 à 9. Donc, ça, c'est les nombres normaux. Et le 11, c'est par exemple, si tu es né un 11, si tu es né en novembre, que tu es né un 29. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un maître nombre. Et d'accord. Ça va te donner une énergie. C'est drôle parce qu'en plus, on parle des super-héros. Donc, imagine que ça leur donne des pouvoirs supplémentaires, quoi, plus puissants. C'est, voilà. c'est vraiment sympa. C'est drôle. Alors, l'autre, alors... c'est Sam Wilson. Alors, Sam Wilson. Tac. Sam Wilson. Qui ouais, est nouveau Captain America. Ah, d'accord, ok. Ok, je savais pas. Okay. Qui était avant le Faucon. Ok, bon, d'accord. Du coup, Sam Wilson. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son prénom, donc Sam, il va faire 6, donc prénom qui va être dans le soin. Et du coup, son prénom, il commence par un... S qui fait 1 et par un M qui fait 4. Donc, a priori, c'est quelqu'un qui va être leader, mais quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Oui, et alors ça, contre... c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est loyal, fidèle. Ça, c'est y a rien à dire là-dessus. Et bah, tu vois, tu as dit le mot loyal. Et bah, son expression au total, c'est-à-dire Sam plus Wilson, les consonnes plus les voyelles, ça fait un 8. Le 8, je te l'avais dit, c'est le nombre des avocats. Mmh. Et du coup, c'est des gens, normalement, à part Bernard Tapie, pour le coup, c'est des gens qui sont hyper loyaux. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils vont, avoir le souci du respect de la loi, sauf si ils considèrent que la loi n'est pas valable. Et dans ces cas-là, ils suivront leur propre loi. Mais normalement, c'est quelqu'un de loyal. Alors, ce que tu dis là, ça fait penser à un comics qui est super connu, hein, Mika, qui s'appelle Civil War. Ouais. Il y a la loi qui est là et il la considère lui et puis d'autres injuste et du coup, il la respecte pas du tout, quoi. Du moins, ils veillent à ce que, enfin, ils suivent leur propre voie, voilà. Ils t'en reviennent dedans, en fait. D'accord. C'est incroyable. On a l'impression qu'en fait, à t'écouter, que les noms et les prénoms sont faits vraiment pour le super héros. Peut-être qu'ils ont pris un numérologue avant de les. On ne sait pas. Mais du coup, ça tourne beaucoup de ce que tu dis sur le chiffre 6 partout. Le soin, c'est ça ? Eh ben, ouais. Moi, j'ai constaté ça. T'as beaucoup de maîtres noms et t'as beaucoup de 6. Donc, et tu vois, ils sont censés à chaque fois prendre soin des autres, en fait. Quand tu regardes... Enfin, je ne les connais pas tous, mais grosso modo, enfin, Captain America est censé prendre soin des autres. Bah oui, normalement. Le 8, c'est James Barnes. C'est un ami de Captain America qui est le soldat de l'hiver. Voilà. Ah, c'est lui, d'accord, ok. Ouais, ouais, je vois c'est... qui c'est. Question, alors... est-ce que tu le prends sous James ou sous Bucky ? Bah non, j'ai pris son vrai prénom quand même. J'ai pris James. C'est bah, James après, Bucky c'est... Barnes. Mais c'est en vrai. Attends. C'est James. Attends, je vais regarder ce Bucky. Que tu me fais douter là. Il s'appelle James Barnes et Bucky, c'est son nom de super-héros normalement, mais tout le monde l'appelle Bucky. Bucky, t'écris ça B-U-C-K-Y. Ouais. Mais après, son vrai nom, c'est James Barnes. Prénom, c'est James Barnes. Ok. Et son nom, c'est Bucky. Ouais. B-U-C-K-Y. Ouais, c'est son surnom, en fait. Comme ça que l'appelle toujours Steve Rogers. Il l'appelle tout le temps Bucky. Oui, toujours Bucky, ouais. Ouais. Mais je vais y revenir à son surnom parce que moi, je trouve qu'il est intéressant parce que je ne savais pas que James Barnes était Bucky. Ouais, le soldat de l'hiver. Et donc, James Barnes est donc à nouveau du 6, tu vois. Il va avoir son prénom qui fait 6 et 6, avec au milieu, parce que du coup, son James, il y a 5 lettres. Donc, on va prendre en considération le M, tu vois, qui est la lettre centrale. Et donc, le M fait 4. Donc, a priori, quelqu'un d'hyper fiable sur qui on peut compter. James, ça commence par un J qui fait 1, et ça termine par un S qui fait 1. Donc, ça va être quelqu'un qui est quand même hyper indépendant, autonome, potentiellement leader. C'est vrai. Et voilà. Enfin, il s'autolite, je pense, plutôt. Bah voilà, bah du coup, autonome, indépendant. Et du coup, qui est dans le soin, normalement, aux autres, avec une expression 3. Mais tu vois, normalement, l'expression 3, c'est l'enfant. C'est des gens plutôt légers, joyeux, etc. Mais ça, James Burns, c'est comme ça qu'il s'appelait, finalement, avant qu'il devienne soldat de l'hiver ou même ouais, après. C'est ça. Ouais, avant, bon bah. Ça a toujours été son nom et son prénom. C'est son vrai... C'est son nom d'état civil, en fait. C'est James Burns. Parce que moi, quand j'ai vu le soldat de l'hiver, enfin voilà, ça c'est un des rares que je connais. Moi, il me dégageait bah, déjà son nom du froid, et puis il a quelque chose d'hyper secret en fait. Oui, et c'est quand ça. Tu donc regardes... c'est ça. Quand... C'est pour ça que quand tu dis le chiffre 3, c'est l'enfant un peu joyeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais bah, ça trouve, correspond ça colle pas du pas. coup. Ça colle Non, pas. mais pas. Mais ça colle avec Bucky. Et en fait, Bucky, il va avoir en initiale, c'est pardon, en voyelle, c'est-à-dire les idéaux, il va avoir du 3 et du 7 qui font du 1, c'est-à-dire son idéal, c'est d'être autonome, indépendant, leader, d'accord? Mais ça vient du 3 et du 7, donc il y a de l'enfant, certes, mais il y a aussi le 7, c'est-à-dire un côté très technicien, très secret, très pointu, et sa structure, c'est-à-dire son caractère, ses consonnes, elles font 7. Et son 7, il va venir du 2 et du 2, donc encore ce côté la mer, l'eau, la douceur, etc., le secret, et le 3, donc encore un peu l'enfant. Et donc, ça fait une structure 7. Donc, on retrouve ce côté déjà plus secret. Et son expression totale, c'est-à-dire ses consonnes et ses voyelles à Bucky, vont faire un 8. Donc là, on va retrouver plus la grosse énergie, le côté tranchant, le côté aussi colérique. Parce que du coup, le 8, c'est un nombre qui est colérique. Et il me semble qu'il est colérique, lui. Bah, c'est bien, tu m'as dit que c'était mon chiffre à moi, je crois. Ouais, mais le 8, il n'est pas tout le temps en colère. Mais selon D'accord. comment tu t'équilibres et... comment tu... Chacun exprime ses sentiments de façon différente. Il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont se mettre en colère. Le 8 si a j'ai un bien potentiel compris, colérique. Si j'ai bien compris, et Bucky, son nom de... Enfin, son, on va dire son surnom, est plus représentatif du super-héros que James Barnes. Bah, c'est à toi de juger, c'est toi bah, qui connais si, mieux. De mais... ce que tu dis, ouais. Ouais. Ouais. Ah, dans ce cas-là, oui. Tu vois. Heureusement que Mika, tu l'as dit, parce que tu vois... Bah, donc, tout à l'heure, elle disait que c'était plus par rapport au nom qui est le plus utilisé. Je pense que c'est comme moi, tu vois, j'utilise rarement mon prénom entier, Michael, c'est toujours Mika qui est utilisé. Mika, ouais. C'est vrai. Bon, bah écoute, en tout cas, pour le surnom Bucky, ça fonctionne. Voilà. Et pour James Barnes, ça fonctionne pas trop. Alors, mon préféré, bien sûr, Steve Rogers. Attention de voir. Attention. Hein. Steve Rogers. Qui est le Capitaine America originel. Oui. Ouais. Tac. Alors, Steve Rogers, alors encore un maître nombre. Alors ça, il y en a vraiment partout avec eux, là, les super-héros. Attends, soit c'est 11, soit c'est 22. Et c'est le 33. Ah bah d'accord. Ah d'accord, c'est aussi 33. Ok, 11, ouais, 22. Ouais. C'est tous les chiffres d'affilée. Ouais. D'accord. Et donc, en fait, toutes ces consonnes, c'est-à-dire tout son caractère à Steve et à Rogers, vont faire 33. Et donc, le 33, c'est celui qui prend hyper soin des autres. Donc, le 33 va vibrer en 3 et 3 et en 6. Et je vous ai dit, le 6, c'est la maman. Donc là, en l'occurrence, ça va être une super maman. Ça veut dire qu'il va vraiment vouloir prendre tout le monde sous son aile. Et qui va avoir un côté joyeux, léger, qui va faire du bien aux autres. Après, ça va être il va osciller entre les deux, c'est-à-dire que le 3, le 2 fois le 3, il va être très joyeux, très léger, très optimiste. Et le 6, il a le côté plus responsable de la maman, il est un peu moins, moins comment dire, fun. Mais il est vraiment diplomate, il est pour l'harmonie, Il peut avoir aussi un certain souci de son aspect, c'est-à-dire entre le 3 et le 6, il peut être assez soucieux de son apparence. Oui, parce que d'ailleurs, il aime bien quand on lui dit que c'est le plus beau cul d'Amérique, de l'Amérique. Ah bah voilà. Je savais pas ça. Parce que je sais plus si dans quel film. Je sais plus si dans quel film. C'est dans Endgame où il dit c'est vraiment le cul de l'Amérique. Hein. C'est vraiment le cul de l'Amérique, ouais. Eh mais en plus le 6, tiens, il est statut, ultra. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas. Bah ça collerait assez avec le 6 qui est ultra maniaque, c'est un peu le nombre qui se maquillerait pour sortir les poubelles, le 6, ouais, et toujours tiré à quatre épingles. Donc là pour le coup, bah c'est pas faux. Par contre, il peut avoir en négatif un côté caractériel et soupolé, se sacrifier allant même jusqu'à l'autodestruction. Il peut craindre le conflit et donc laisser des conflits larvés, c'est pas terrible. Être perfectionniste et rancunier, ça c'est en négatif. Ça peut même l'amener à la dépression ou potentiellement une tendance un peu gourou. Est-ce qu'il a une lame de leader ? Ouais, le 33, de toute façon, c'est un super leader, si tu veux. Tu vas retrouver le maître nombre 11 plus le maître nombre 22, donc le 22 qui rêve en grand. Ouais. Et le 11 33, qui... c'est vraiment le... Le super, quoi. T'as les deux, voilà, c'est ça, masterclass. Ouais. Alors que Clint avait 22, c'est ça. Donc lui, il voyait les choses en grand. Et au-dessus, du coup, t'as Steve Rogers qui, lui, c'est... Ouais. C'est en plus d'être la maman suprême, si j'ai bien compris. Celui qui veut tout c'est le temps ça. Prendre soin des autres. Et ben voilà. T'es en plein dedans. Ah pour lui, ouais, complètement. Ah, complètement, là, t'es plein dedans. C'est comme Loki, quoi, c'est pareil. T'es Bruce Banner, t'es en plein dedans. D'accord. Le dixième, c'est Tony Stark. Bon, facile, hein, c'est Iron Man, c'est pas trop. Ouais. Alors, Tony Stark, moi, je l'aime bien en plus. Tony Stark, il est marrant, je trouve. Ouais. Et puis, l'acteur, il incarne super bien, je trouve. Oui. Robert Downey Jr. Ouais. Bon. Et bah, du coup, Tony Stark, moi je lui ai toujours trouvé un côté pédant. Alors, j'espère que je vais pas froisser les fans, mais voilà. Et en fait. On verra dans les commentaires. Comment ça, il est pédant ? Comment ça ? Je l'aime bien, mais voilà. Du coup, on va retrouver dans Tony, dans le prénom, dans les voyelles du 4. Donc, quelqu'un qui est fiable. Son idéal, c'est d'être hyper fiable, d'être une valeur sûre, d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Mais ses consonnes, ce sur quoi il s'appuie, c'est du 7. Et le 7, moi, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très intellectuel, mais son côté très cérébral qui ne s'arrête jamais peut le rendre un peu hautain. C'est-à-dire, il peut un peu se considérer comme au-dessus des autres parce que Il a un côté très scientifique, il sait tout. Enfin, c'est vrai qu'il est hautain quand tu regardes. Mais il est complètement hautain. Complètement. T'es dedans. Et quelles sont ses grandes qualités ? Alors, du coup, pour terminer sur le prénom Tony, entre son 4 et son 7, si tu veux, ça va donner une expression 2. Et finalement, ça, c'est un peu, je trouve, le contre-pied de ce qu'on voit de lui, c'est-à-dire qu'il peut avoir un côté assez secret, timide. Alors que quand tu prends toute son expression au total, ça fait une expression 8, c'est-à-dire quelque chose de cash. Et en fait, je trouvais ça assez rigolo parce que tu as l'ambivalence de ce personnage-là. C'est-à-dire que oui, il est cash et en même temps, il a un côté, un certain jardin secret assez important. Et le 2, il a besoin de l'autre. Et en fait, vu que je connais ce personnage-là, je sais qu'il a souvent besoin de sa compagne, en fait. Ouais, et ben voilà. Et ben on va retrouver ce côté-là, en fait, dans son prénom. Et au niveau de son nom de famille, Stark, en fait, il n'y a qu'une seule, une seule voyelle, c'est le A. Il est en plus au milieu, parce que y a un nombre de lettres qui est impair. Donc, son idéal, c'est d'être le premier partout, c'est d'être autonome. Et le 1, il faut savoir que c'est aussi un nombre qui est créatif. C'est-à-dire que, par exemple, les créateurs de mode, ils sont en 1 aussi. Steve Jobs, il vibre en 1 aussi. Enfin, il vibrait en 1. Et voilà. Elon Musk. Ah tiens, Elon Musk, il l'est pas fait. Je vais regarder. Et je vais regarder Elon Musk. Et du coup, Stark, par contre, ses consonnes, tu vois, ça va faire du 5. Et le 5, c'est, je vous avais dit, c'est le changement. Donc c'est le fait de se déguiser. Ouais. Comme Bruce Banner. Le fait de se déguiser potentiellement aussi, ou là, en l'occurrence, de créer, tu vois, tout un attirail, quoi. D'accord. Voilà. Ça correspond au personnage, en tout cas. Ouais. Et on retrouve le 8 de son côté très cash, un peu, tu vois, son expression 8 vient du 5 en voyelle et du 3 en consonne. Et tu vois, le 5, c'est le changement, mais du coup, ça va être quelqu'un qui peut parler aussi un peu de façon brusque, de très cash, du coup. Et le 3, c'est l'enfant. Donc, c'est pareil, un enfant, il ne réfléchit pas toujours à ce qu'il dit. Bah voilà, on ça me fait penser à Endgame, quand il revient, tu sais, de l'espace et qu'il est cash avec Captain America en disant « Ouais, tu nous as lâchés, machin, etc. » T'aurais dû m'écouter, j'aurais dû mettre des satellites autour de la planète. Tu viens, Mika, quoi, il dit ça à un moment. Il était cash, hein, jusqu'à... quelques jours, hein, donc oui, oui. D'accord. Alors, le dernier, c'est pour toi, Mika. J'ai pensé à toi. Le dernier, c'est Peter Parker, voilà. Le dernier, Peter Parker. Attention, on a la pression, Marie. Alors, Peter Parker, on va être sur un prénom qui fait 1. Qui fait 1 avec ses voyelles font 1 et sa structure fait 9. Donc le 9, c'est l'idéaliste, c'est le refus des limites. Il peut refuser les limites de différentes façons, soit dans l'espace, par exemple Thomas Pesquet, chemin de vie 9, Yuri Gagarin, il est né un 9, soit le refus des limites dans un point de vue humanitaire, Mère Teresa, soit dans l'écologie, Greta Thunberg, soit aussi dans un côté radical, c'est-à-dire que le 9, il veut zéro limite, vraiment. Donc, il va avoir une expression 1, Peter, donc quelqu'un qui veut être indépendant, mais de façon très importante, quoi. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à être indépendant, à être créatif, à faire vibrer son 1, eh bien, il pourrait se réfugier dans des paradis artificiels, carrément. Ça, c'est ce que dit le 9. Il y a une petite fragilité, il y a un tel idéalisme, en fait, que pourrait y avoir ce besoin-là de se réfugier dans des paradis artificiels. Et on qu'est-ce que tu appelles de se réfugier dans les paradis artificiels? Bah, ça peut être l'alcool, la drogue, ou alors, par exemple, de rester, je ne sais pas, en dehors de la vie, par exemple, bloqué sur des jeux vidéo. Ou, d'accord, ok. Non, je pensais qu'il s'est inventé un monde dans sa tête. C'est-à-dire qu'il s'exclut un peu... Ça peut, mais pour les gens qui sont, c'est-à-dire quand c'est déséquilibré, enfin, tu vois, les noms que je t'ai dit, Thomas Pesquet, il vibre pas son œuf du tout comme ça. Lui, il a trouvé l'équilibre en allant dans l'espace, voilà. Et Parker, du coup, son nom de famille va faire 6 en voyelles et 9 en consonne. Donc, en gros, les voyelles, c'est ton idéal, ce que tu as au fond de ton cœur. Donc, c'est le 6, encore prendre soin des autres. Et le 9, c'est à nouveau, bah, du coup, l'humanitaire, le don de soi aux autres, le refus des limites. Donc, et du coup, Parker fait 33, tu vois. Donc, super leader. Voilà. Et du coup, un leader, il va être... Pour moi, Peter Parker, il est hyper sensible, en fait. C'est certainement un des plus sensibles qu'on a vu. Voilà. Et son expression J'avoue, quand tu regardes. Et son expression, c'est-à-dire le total des consonnes et des voyelles, va faire 7... En voyelle, 9 en consonne. Donc, tu vois, là, on est encore sur de la sensibilité. Le 7, c'est quelqu'un qui est très secret. Le 9, je vous l'ai dit déjà, le refus des limites. Et donc, l'expression fait 7, puisqu'on additionne les deux. Et le 7, donc, quelqu'un d'hyper secret, de vraiment qui va être dans le soin aux autres, mais en gardant un jardin secret important et il veut vraiment un monde parfait, en fait. Enfin, il me dégage un peu de la souffrance quand il voit le monde comme il est, je pense. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un idéaliste, non? C'est ça que tu veux dire? Voilà, ouais, c'est ça. Merci. Alors, Mika, est-ce que ça correspond? Bah, ça correspond, oui, pas mal sur la plupart des Peter Parker. Ouais. Books, oui. Notamment celui du MCU qui va aller jusqu'à se sacrifier lui-même également, hein, sur la fin, à se faire totalement disparaître et oublier afin que le monde survive. Et ouais, c'est vrai que moi, je pars aussi sur le côté par rapport aux différents Spider-Man qu'il y a eu, quand tu dis ne pas avoir de limites, le fait que à chaque fois, enfin dans la plupart des comics et dans les jeux et compagnie, que même s'il a tous les os brisés, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne sur lui et tout, il va quand même se relever et y aller et jamais abandonner. Et, je le ressens un peu comme ça sur ce que tu disais, pas de limites. Il n'y a rien qui fera, si tu tombes, tu te relèveras toujours. D'accord. Bah merci Marie. Ben, prie, comme quoi la numérologie c'est une science douce, du coup pas molle, voilà, qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Alors je me suis renseigné un petit peu, tu vas dire si c'est vrai ou pas, Marie, j'ai cru comprendre que la numérologie permettait pour les gens de se redécouvrir eux-mêmes. Oui, c'est ça. C'est alors, justement, toute ma question, quel est l'intérêt? Je suis pas un spécialiste ni rien, mais quel est l'intérêt pour moi de venir voir une ou un numérologue? Par exemple, tu es dans une phase de ta vie où tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple au niveau professionnel, tu sais que ton métier ne te convient plus, tu veux te réorienter et en même temps, tu ne sais pas vers quoi aller parce que au fur et à mesure, tu as dû faire face à des obligations en fait, qui font que tu t'es un peu coupé de ton côté créatif. Donc, c'est ce dont je parlais avec tes voyelles, par exemple. C'est souvent ce qu'on a au fond du cœur. Et souvent, quand j'en parle aux gens, quand je leur fais leur thème, ils me disent « Ah, mais en fait, quand j'étais petit, j'étais carrément comme ça. » Mais au fur et à mesure de leur vie, ils l'ont oublié parce qu'ils ont été obligés d'être pragmatiques, d'être efficaces. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que ça les fatigue parce qu'ils ne sont pas exactement dans ce qui les rend heureux et épanouis. Et du coup, ils ont du mal à retrouver le chemin tout seuls. La numérologie, ça va permettre de leur donner des clés. Et après, eux vont choisir vers où ils veulent aller. Et voilà. Puis ça peut éviter aussi... éviter, ou en tout cas, par exemple, des personnes qui sont dans un mal-être, mais qui ne se sentent pas le besoin d'aller voir un psychologue ou qui n'ont pas trouvé les solutions à travers un psychologue, ça va être une solution courte et efficace pour leur dire, voilà, vous avez ça, ça, ça, en gros, dans votre sac à dos de vie, vous avez ça, ça, ça comme atout, vous avez ça, ça, ça comme point à travailler. Maintenant, voilà, vos atouts peuvent correspondre à tel métier, les points à travailler peuvent vous mettre en difficulté à tel endroit. Et du coup, on se sent moins seul ou moins étranger presque à soi-même quand on est dans une situation de blocage parce qu'on se dit, mais en fait, là, j'étais pas dans ma zone de confort et j'ai fait de mon mieux et c'est tout, quoi. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ça a une certaine vertu, je ne suis pas spécialiste non plus, mais c'est une certaine vertu thérapeutique pour aider les gens à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à titre perso et dans les relations, etc. Si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. D'accord. Comme quoi, c'est intéressant. Voilà. Oui. Encore une fois, merci Marie. Mika, t'as trouvé ça intéressant? Ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense qu'on pourrait en refaire un autre. Un autre jour. D'autres personnages. Mika, c'est toi qui les choisiras. On va faire ça. Ça marche. Tu en choisis 10 et puis on les soumettra. Merci Marie pour ce travail. Je suis persuadé que tu as travaillé ce que je lui ai donné hier ou avant-hier. Donc merci pour le travail, parce que je pense que ça prend du temps à préparer quand même cette intervention. Ce que je doute pas. Merci à toi beaucoup. Alors Marie, vous pouvez, alors je vais vous mettre en lien sous le podcast son Facebook et son Instagram. Plus tard, je vous mettrai, parce que ton site internet est en cours, si j'ai bien compris. Donc je mettrai un peu plus tard, ça se trouve il sera déjà lorsque les gens écouteront, le lien vers le site internet. Du coup, vu que Mika est d'accord, et si tu acceptes, on te réinvitera. Avec plaisir. D'ici quelques mois, je pense, on te réinvitera. Et te soumettra d'autres personnages. Juste question, alors Elon Musk, t'as pu le faire ou oui, pas? Oui, je l'ai regardé. Alors, curiosité. Elon, du coup, déjà, voilà, les voyelles de Elon, on va retrouver du 11-2, d'accord? Donc, attends, maître nombre. Bravo. C'est maître donc... nombre, mais c'est pas le 33, donc c'est pas un grand leader. Non, mais très intuitif. Le 11, si tu veux, il est hyper intuitif, hyper magnétique. On dit même qu'il peut avoir des intuitions allant à presque de la divination. Enfin, ouais. Alors, tu sais que t'as peut-être raison. Est-ce que là, en fait, il a signé un moratoire sur l'intelligence artificielle en disant que ça va trop vite et que c'est à moitié divin. C'est-à-dire que peut-être qu'il, justement, il est en train de se projeter sur l'avenir, que si on fait pas de moratoire actuellement sur l'intelligence artificielle, ça peut être dangereux pour l'humanité. Donc, voilà. Ces consonnes, du coup, de Elon, donc le L et le L et le N, vont faire un 8. Donc là, on voyait... Tranchant. C'est tranchant. Ouais, mais surtout le 8, il aime bien, en fait, l'argent. Il a besoin de se concrétiser, soit matériellement, soit spirituellement. Ouais, c'est ce que tu disais. Et lui... lui, pour le coup, au niveau matériel, on est absolument convaincu qu'il s'est réalisé. Et je pense qu'au niveau spirituel aussi, parce que sinon le matériel aurait certainement pas suivi. Et donc on est sur une expression 1. Donc là, on retrouve, vous voyez, le côté leader, le côté indépendant, qui sort aussi des sentiers battus. Je vous avais dit Steve Jobs, il fait du 1 aussi. Et Musk, ça va faire 3 en voyelle, donc c'est-à-dire en idéal. Donc là, il y a un côté enfant, et puis ça va, je trouve, assez bien avec le côté qui veut toucher un peu à tout, un peu qui découvre des choses. Et en consonne, il va faire 7, et donc là, on a le côté hyper secret, mais aussi très technicien. Les 7, c'est des gens très méticuleux. Par exemple, moi, ça me fait penser souvent à un horloger ou à des personnes qui travaillent sur voilà, de l'informatique, mais de façon hyper pointue. Et à nouveau, il fait une expression 1, donc voilà, Musk, et le total de l'expression pour tout le prénom, le nom, fait 29. Donc 29, ça fait 9, 10, 11. Donc voilà, une expression maître 11 nombre. À nouveau. Voilà, ouais, c'est pas un 33. Maître nombre. Steve Rogers, non, c'est un 33, ça. Lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bah, merci Marie pour ce petit bonus. Merci à vous. Merci à toi. Donc on va te réinviter, Mika. Il faudra que tu me donnes la liste de la dizaine que tu veux. Et puis merci à toi encore une fois, Marie, parce que ça a dû te prendre du temps pour préparer ça. Et parce que c'est quand même, et en plus c'est des personnages que tu connais pas forcément, du coup, si j'ai bien compris, pas tous du moins, voilà. Est-ce que d'ailleurs, question, est-ce que tu regardes des Marvel du coup au cinéma, en série, est-ce que tu regardes ou tu t'y intéresses un peu de loin Si, moi j'aime bien les Avengers. Et alors, moi, j'ai beaucoup. Alors, j'aimerais bien, tiens, votre avis là-dessus. Je suis tombée sur Thor Love and Thunder. Ok, je me casse. Au revoir. Oh, je l'ai adoré, moi. Oh, adoré. Oh, putain. C'est vrai? Ah, ça y est. Je crois que ce film a été sûrement le pire film de tout le MCU. Non, mais non, en fait, Mika. C'est vrai? Je t'explique. Est-ce que j'ai l'impression que ce film-là est aimé par des gens qui. Parce que nous, on connaît. Si on connaît Thor, Mighty Thor, on connaît l'histoire. Mais en fait, c'est une cata, en fait, ce film. Mais non, mais après, je peux comprendre. J'ai un copain qui est un peu comme toi, qui regarde un peu les Marvel de temps en temps, ou qui va au cinéma et qui aime bien. Et il me fait l'apologie de Thor Ragnarok, quand même. Et j'ai bien aimé aussi, ouais. Ouais, voilà. Mais est-ce que Thor Ragnarok a été réalisé par la même personne Le quatrième, ouais. Ouais, il a été réalisé par la même personne. Alors, je sais plus. Voilà, et ben, mais moi j'adore, je sais que vous en avez parlé dans un podcast, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et moi j'avais énormément ri, j'avais vu Jojo Rabbit dans l'avion, j'étais obligée d'essayer de me faire discrète parce que j'avais envie d'éclater de rire tellement il est burlesque. Jojo Rabbit, c'est très bien, mais le problème en fait avec Taika Waititi, c'est autant sur Ragnarok, j'ai trouvé le côté d'avoir rajouté autant d'humour et compagnie, pour moi passé encore. Mais je trouve qu'il en fait trop dans Love and Thunder et va jusqu'à casser complètement l'évolution du personnage qui était devenu vraiment sérieux dans les films d'avant et qui avait fini en fait par devenir par surmonter son traumatisme, qui sortait de sa je dis tout à l'heure de son sa dépression, merci. Et là on retrouve un personnage qui est complètement con en fait. On a l'impression de le revoir à ses débuts. Il est pas réfléchi du tout. Et c'est vraiment, moi, ça m'a sorti complet du film, les blagues toutes les deux secondes. Ouais, et puis le voir Thor à poil devant Zeus, enfin, ça, j'ai trouvé que c'est. Enfin, moi, ça m'a. Enfin, je m'en fous qu'il soit à poil, mais si c'est ce genre de truc, t'as pas besoin de faire ça. Toutes les deux minutes, c'était que des références à des partouzes, hein, soyons clairs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était. Mais bon, après, c'est ça, ce truc qui est dingue, c'est. Bah, mon épouse Julie, elle l'a bien aimé aussi. Elle dit, ah, oh, il est vachement bien et tout. J'étais devant la télé, je dis, non, c'est pas possible, tu peux pas dire que tu l'aimes bien. Après, bon, j'accepte le fait que les gens aiment bien, c'est pas. C'est, elles ont, chacun ses goûts, hein, comme on dit, hein. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'aimais bien qu'ils se prennent moins au sérieux. Je trouve que pendant un moment, là, les Avengers, ils se prenaient un peu trop au sérieux. Et là, je trouvais ça rafraîchissant, là. C'était un peu plus léger. Ah, il y a un peu pour ça. Ah bah. Hein oui. Dire que c'est léger. Et t'en as aimé quel autre aussi? Alors j'ai bien aimé celui-là. J'aime bien les Avengers et j'aime bien les Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, ouais, ça c'est. T'as le 3 qui sort au cinéma là. Ah d'accord, bah voilà. Bah, j'aime bien Chris Pratt, je trouve qu'il est marrant. Voilà. Chris Pratt qui fait la voix de Mario. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En VO. Ouais. En VO, ouais. On a été voir Mario. Avec les chouquettes, c'était trop bien. Excellent. Hein ouais, il est excellent. Enfin, ça va le faire, c'est tellement drôle. Enfin, voilà. En tout cas, bon, on dit vague, mais bon, hein, faut bien qu'on arrête le podcast quand même. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle, mais Ça fait un bon moment. En tout cas, merci beaucoup, Marie. Le podcast va être mis très vite. Les liens de Marie vont être en dessous de la description du podcast. Mika, vous verrez toujours des photos de ses tatouages sur son Instagram. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a un nouveau ? Non, je ne crois pas. C'est toujours pareil. Ouais. La photo de profil a changé. Maintenant, il a sa grande barbe. C'est ça. De Spartiate. Attends, si, je crois que tu as mis ta barbe. Je vais voir. Oui, oui, la barbe de Spartiate. Voilà. Voilà. Donc, du coup, voilà. Tu devrais t'habiller en Spartiate à une convention la prochaine fois. Non, mon petit viking, surtout que maintenant j'ai les. Tu vois, le marteau. Ah, t'as carrément le. Oui, t'as le tatouage. Mais tu l'as pas mis sur ton site. Ah, si, je crois que tu l'as mis sur ton. Je sais pas si je les ai mis. Là. Si, tu les as mis, si. Mm. Si, il a mis. Quel beau gosse. Bon, j'aime pas les tatouages, mais beau gosse quand même. Voilà. J'ai fait avec Hollow Knight en même temps, tu vois, sur le. Ah, oui. Oui. Ça, j'ai reconnu ça. Le jeu vidéo, ça, Hollow Knight. Okay. C'est dans le jeu vidéo. Ouais. Mais t'as un tatouage aussi. Ah, c'est quelle série là qui a été faite par par le créateur des Simpsons qui est sur Disney Plus. C'est pas Lucifer. Lucifer, ouais, c'est là. Sur mon t-shirt aussi. Il est trop drôle, lui. J'adore perso. Voilà. En tout cas, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. On a comparé les super-héros, les non-super-héros, enfin, du moins, on a eu une analyse des super-héros. Et de leur nom et prénom d'état civil par rapport à la numérologie. Merci Marie pour tout le travail que tu as fait. Merci pour ces éclaircissements. On peut dire que tu as été largement dans les clous, entre guillemets, parce que les profils que tu nous donnais correspondaient quasi dans l'intégralité à tout. J'ai pu voir que ça t'intéressait plus, genre Loki. Tu as beaucoup aimé, apparemment, analyser Loki. Mika, je te fais confiance, tu m'en auras 10 et on les soumettra à Marie sur un prochain podcast. Le prochain podcast qu'on va enregistrer avec Laurent, je crois que c'est pas la semaine prochaine, mais l'autre. Ouais, ça va être dans 2 semaines. C'est ça. Ça sera sur la suite, sur le Spider-Verse. Voilà. Parce que j'ai reçu des messages sur... alors, 2-3, pas non plus des centaines, mais... Comme quoi... Parce que tu sais, j'ai retrouvé ma BD de Spider-Verse. Là. Donc, je l'ai ouverte. Et en fait, on m'a dit, ouais, t'en as oublié. J'ai regardé, effectivement, j'en ai oublié. Donc, il faudrait que je te dise ceux que j'ai oubliés. Voilà. Donc... voilà. Il y en a tellement en même temps. Ben oui, donc voilà. Donc on en reparlera au prochain. Et puis au pire, voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Bonne soirée si j'écoute le soir, on va dire. Bonne matinée. J'ai un auditeur qui m'a dit qu'il m'écoutait tout le matin, généralement en allant au travail, tu vois. Donc, bonne matinée et bon boulot. Voilà, donc toi qui nous entends, bon courage pour le travail. Voilà. Hein, tu auras la douce voix de Marie et un peu d'ASMR, voilà. Si, voilà. Alors, pas plus. Bisous Marie. Bisous Mika. Ouais, t'as vu, je me renifle. Allez, oui, bisous. Oui, non, ASMR.